réunis en vie, tous en harmonie. Ici c'est pas le paradis. Sort de Montréal, Nord, c'est Michel Pilef et des Rodibi. La guerre n'a pas de merci, qui sont mes amis. Les soldats ne meurent pas, on se multiplie, on se réunit en vie, tous en harmonie. Ici c'est pas le paradis. Sort de Montréal, Nord, c'est Michel Pilef et des Rodibi. La guerre n'a pas de merci, qui sont mes amis. Dans mon quadrilatère, tout le monde fait son service militaire. Une crise de caractère, assez Michel Pilef, Montréal, Nord et Rivière. Ça fait longtemps que mes légionnaires se font la guerre. J'espère que c'est clair, dans mon secteur, personne tolère les visiteurs. Du vitré prêt à tuer comme les soldats dans l'armée. Mentalité dangereuse comme les détours pénitentiaires. Si tu n'es que t'es venu, tu sais que je dis la vérité. Regarde dans le journal, ouvre à 6h ta télé. J'en dis rien à Compton, à Miami ou à Brooklyn. Dans nos rues se promènent les enfants de Destiny. Non, on décuise leur carabine, te vise tout droit à la poitrine. Excité, jamais fatigué, fameux pute sur la cocaïne. Personne ne rit ou ne sourit, certains petits sont des bandits. Quoi que tout leur est permis, maintenant, check la vie. Suis les blancs, Nike, pantalon, pélé, pélé. Chemise, saignée, foubou, casque toujours retourné. Je marche comme si j'avais le pied foulé, mon arme, mais la soutien. Je veux une grosse voiture, sur un gros système, un gros prince, une grosse chaîne. Les rênes qui font 5 000 $ par semaine. Les gros parties bloc au reggae avec ma caisse et Heineken. Argent précis, les belles filles, c'est sûr de dormir tranquille enfant dans un condominium avec ma madone. À force de ça, j'prends mon magnum. Je demande c'est qui par l'intercom. Les vrais gangsters, jamais les dents. Prends d'argent au maximum. Les vrais soldats ne meurent pas, on se multiplie, on se réunit en vie, tous en harmonie. Ici c'est pas le paradis. Sort de Montréal, Nord, c'est Michel Pilef et des Rodibi. La guerre n'a pas de merci, qui sont mes amis. Les vrais soldats ne meurent pas, on se multiplie, on se réunit en vie, tous en harmonie. Ici c'est pas le paradis. Montréal, Nord, c'est Michel Pinet et des Rodibi. La guerre n'a pas de merci, qui sont mes amis. Si t'es mon bras droit, sont prêts à te sacrifier pour moi, sont prêts à mourir pour moi. Tu rentres en danger, je paierai ton avocat. Mes soldats dorment avec un gun sous leur matelas. Comme ça, frère, relax, ils se mettent à faire du yoga. Pour moi, la vie de tous les jours, c'est un combat. Cobra, jusqu'au jour où Dieu me jugera. Pourquoi être hors la loi, j'ai pas le choix. Le signe, la croix, j'y croyais pas, mais je parle tout bas comme la mafia. Phénomène social, marqué, offert comme du bétail. Ça travaille, mais plein l'argent. Tout le monde sait que c'est pas normal, mais je vis ma vie. Je me suis l'ami. Ma femme est même quand tout est gris, se moule pour moi comme un parapluie. Sans peur, les gens de mon secteur bouge avec honneur, cœur d'un amorceur. Faut l'amour et font la guerre, je parle vraiment du fond du cœur. Et même si c'est pas de ma couleur, tout sont comme de mes frères que ça peut faire. Si tu viens de château, va à l'université. Si tu viens du ghetto, évite le pénitentiaire. Et si est-ce que t'es ceux qui n'ont pas appris à aimer, n'ont pas besoin d'être imité pour se sentir apprécié.